On parle souvent de sommeil comme d'un état du corps, mais plus rarement de ce qui entoure ce corps, les matières, les textures, les objets du quotidien, ce qui touche directement la peau endormie. Et aujourd'hui, dans le podcast La Sieste, on rencontre quelqu'un qui a décidé de s'attaquer à l'un des plus grands terrains inexplorés du sommeil, son linge de lit, à partir de charbon actif. Bienvenue Alexis Steiner, qui est le fondateur de Zebram. Alors Zebram, qu'est-ce que c'est ? Zebram, donc c'est une marque de linge de lit technique. Alors, ça n'existe pas le linge de lit technique, hein, c'est moi qui ai inventé ce terme. Et c'est le pendant du vêtement technique, hein, donc qu'on connaît tous a priori, que ce soit pour aller faire du sport, pour être à l'abri des intempéries si on se déplace en vélo. Donc on a tous, je pense, dans notre armoire, un vêtement technique. Et donc là, le linge de lit technique, c'est un linge de lit qui intègre de nouvelles fonctionnalités pour répondre à différents besoins. D'accord. Et alors pourquoi cette question du sommeil ? Qu'est-ce qui a fait tilt à un moment donné ? Alors ça fait tilt depuis tout petit parce que depuis ma tendre enfance, j'ai des problèmes, quelques problèmes d'insomnie. Je me réveille tôt, effectivement je me couche assez tôt je pense par rapport à la moyenne. J'aime bien avoir mes 8 heures de sommeil, et encore c'est pas forcément assez pour moi. Donc depuis tout petit on va dire que c'est un sujet qui me travaille parce que je sens que je suis pas assez concentré et attentif la journée lorsque j'ai pas bien dormi. Depuis quelques années, bon voilà, maintenant avec l'âge, j'ai réussi un peu à conceptualiser cette étape de sommeil, à la ritualiser également. En regardant un petit peu toutes les étapes qui amenaient au sommeil, je me suis rendu compte que on pouvait sûrement améliorer certaines de ces étapes avant, pendant et après même le sommeil finalement, lorsqu'on voilà, le soleil se lève et qu'on a certains rituels ou également au lever du soleil. Voilà, m'est venue l'idée de trouver quelque chose qui améliorerait mon sommeil et le linge de lit m'a paru un bon vecteur. Alors ça, c'est intéressant parce que ça montre souvent que quand on s'intéresse au sommeil, c'est mon cas, hein, j'ai écrit un livre sur le sujet, souvent aussi d'ailleurs, il y a une préoccupation plus personnelle sur la qualité du sommeil, alors qui peut tourner autour de la qualité du sommeil, mais aussi la quantité, c'est ce que tu dis, hein, 8 heures de sommeil, c'est souvent un minimum, et puis souvent, on s'aperçoit que les gens qui s'intéressent au sujet font la différence entre une bonne nuit et une mauvaise nuit, nuit blanche, idée noire, hein, si je caricature un petit peu. Oui, c'est tout à fait ça. Alors moi, j'ai aussi le souvenir d'un collègue qui passait régulièrement des nuits blanches et qui, lui, l'avait internalisé, en fait. Il savait que s'il passait une mauvaise nuit, le lendemain, c'était une mauvaise journée, mais il l'acceptait. Là où moi, je n'ai pas encore fait ce travail, j'ai du mal à l'accepter. Alors, Zebram, le produit, est-ce que tu peux nous en dire plus ? En quoi ça consiste ? Il y a à la base, je crois, il y a une histoire de charbon, si j'ai bien compris. Autour de cette idée donc, de linge de lit technique, j'ai listé un petit peu tout ce que le linge de lit pouvait apporter donc pour notre bienfait, pour notre sommeil. Et parmi ces besoins, revenait le fait de réduire l'humidité dans son linge de lit, le fait de réduire les démangeaisons qu'on peut avoir certaines fois. Revenait cette idée de chaleur lorsqu'il fait froid à l'extérieur ou de fraîcheur lorsque c'est la canicule. Donc j'ai fait une liste comme ça de besoins finalement et de problématiques que l'on peut retrouver. En parallèle de cela, j'occupais un poste à l'Université de Lorraine autour des arbres et de la forêt plus précisément. Et dans le milieu de la forêt se pose la question de comment mieux valoriser les produits issus de la forêt. Donc on connaît qu'on peut exploiter le bois. Il y a d'autres produits comme les champignons par exemple que l'on peut aussi valoriser. Et puis il y a tout un autre champ à explorer qui sont les molécules d'intérêt. Donc on peut aller chercher des molécules dans l'écorce, dans les aiguilles de résineux par exemple. Et parmi ces molécules, eh bien, il y a le charbon actif. J'ai commencé un peu à réfléchir autour de cette notion de comment on peut valoriser les produits au travers du charbon actif, comment valoriser peut-être des déchets verts aussi, hein, qui ne soient pas ici que de la forêt. Parce que, voilà, on ne sait pas tout le temps quoi en faire. Et ensuite, eh bien, j'ai fait ce matching finalement entre, eh bien, tiens, allons valoriser des produits forestiers au travers de la production de charbon actif et essayons de l'intégrer dans un tissu. Et donc voilà comment m'est venue cette idée, ce premier produit finalement qui intègre du charbon actif dans, dans le fil. Et donc à ce stade, il y a des linges, des draps. Tu en es où? Il y a d'autres produits qui sont déjà prévus, qui sont en cours, qui... Alors, la première étape, ça a été de fabriquer le tissu. Avant finalement de me lancer dans les produits à proprement parler, donc il a fallu avoir cette matière première, pardon. Donc je me suis entouré de producteurs vosgiens, donc je maîtrise le process. C'est un produit local, hein, c'est important pour les auditeurs. Voilà, exactement. C'est un produit dont je maîtrise quasi la totalité du process et les étapes qu'il me manque sont dans ma roadmap R&D, hein, donc avec vraiment la maîtrise de l'ensemble de la production. Donc j'ai commencé par produire ce tissu qui intégrait donc du charbon actif en local. Et ensuite, bah, j'ai fait un petit peu la revue des produits que l'on a dans notre armoire finalement et les produits de la concurrence. Donc c'est classiquement thé d'oreiller, housse de couette et drap housse qui composent finalement donc une parure de lit. Mais il y a plein d'autres produits en réalité quand on approfondit un petit peu cette histoire de linge de lit. Comme le chemin de lit. Je ne sais pas si tu connais ce... Non, je ne connais pas. Le chemin de lit, c'est ce qu'on retrouve des fois à l'hôtel, au pied, au bas du lit, à l'opposé de la tête finalement, qui vient recouvrir D'accord. le ah, dessus. Ah oui, on appelle ça comme ça. Moi, C'est le chemin de lit. Et au début, ça a une vraie fonctionnalité, hein, ce n'est pas uniquement décoratif. Et c'est pour ça qu'on le retrouve surtout à l'hôtel. Ça a évité que les personnes salissent le drap, en fait, le linge de lit, parce que souvent on prend moins de précautions à l'hôtel, on s'affale sur son lit avec ses chaussures et on salit le linge de lit. Et donc là, le fait d'avoir ce chemin de lit, bah, ça évite que ce soit trop sale et qu'on ait à jeter le linge de lit car on n'arrive pas à le rattraper. Et en fait, il y a donc ce chemin de lit, puis il y a plein d'autres produits qu'on peut imaginer et qui existent déjà, mais pour le moment, je me suis concentré sur ces trois premiers. Et alors, team chaussettes ou sans chaussettes? Alors, chaussettes, mais sans les chaussettes. Je m'explique. Ce problème des pieds chauds, bah, je l'avais bien senti aussi. Il se trouve que je suis tombé sur un papier scientifique fait par des Sud-Coréens auprès de presque 150 personnes, hein, donc c'est quand même significatif, qui montrait que les personnes qui dormaient avec des chaussettes réduisaient leur temps d'endormissement et réduisaient le nombre de micro-réveils. Parce qu'en fait, le fait d'avoir les chaussettes permet d'avoir donc, les pieds au chaud et ça optimise la régulation thermique de notre corps. Là, je vous passe les détails. Sauf que bah, avoir des chaussettes, ça peut être un peu embêtant. Moi, c'est mon cas, ça m'embête en pleine nuit de la nuit, j'ai envie de les enlever. Donc, bah, j'ai imaginé un drap housse. Au pied de ce drap housse, il y a environ une cinquantaine de centimètres de tissu en molleton, un petit peu comme une poche de kangourou, où vous allez pouvoir glisser vos pieds à l'intérieur. Pour vous endormir, eh bien, c'est parfait. Et puis en plein milieu de la nuit, lorsque vous en avez marre et que vous avez chaud, vous les retirez, puis ça devient un drap conventionnel. Donc c'est plutôt avec, mais sans. Alors c'est intéressant parce que tu parlais du linge de lit dans les armoires de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. C'est aussi un produit qui se transmet de génération en génération, le linge. On a un petit peu perdu le sens de ça, mais je pense que beaucoup d'auditeurs ont fait cette expérience dans une maison un peu ancienne ou avec des personnes un peu âgées. On a comme ça des piles de draps. Et le drap, le linge de lit est quelque chose d'assez intéressant. Ça dit aussi quelque chose de notre société, du rapport entre la société et l'intime. Alors, je reviens maintenant sur la notion entrepreneur du sommeil. C'est quoi les réactions quand tu dis « je travaille dans le sommeil » Il y a des interrogations, on te parle spontanément de ces problèmes de sommeil. Moi, c'était un peu le cas. Quand je m'intéresse au sujet, assez rapidement, je deviens le psychanalyste des problèmes de sommeil des uns et des autres. Est-ce que tu as remarqué ça? Alors, malheureusement, non, je ne vais pas aller trop dans ton sens. moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand j'évoque un projet autour du sommeil, mais par le prisme du linge de lit, je vois une sorte de légèreté dans le regard de mes interlocuteurs en pensant que c'est un produit finalement un peu gadget qui est assez futile et donc un projet par conséquence plutôt futile. Et donc, il faut quand même un pouvoir de pédagogique et une explication assez, assez longue pour faire prendre conscience que bah, le sommeil, c'est tout un tas d'éléments connexes qu'il faut pouvoir maîtriser afin de, d'avoir la meilleure nuit possible. Et que le linge de lit, bah, ça en fait partie, au même titre que les activités que l'on va avoir un peu avant, au même titre que son oreiller, son matelas, le fait qu'on soit dans un noir absolu ou pas loin, que le son soit maîtrisé, enfin bref, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Tout l'écosystème autour. Exactement. Et donc, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail pédagogique, que les personnes se rendent compte, ah oui, mais effectivement, le linge de lit, et maintenant que vous me le dites, c'est vrai qu'à l'hôtel, la dernière fois, le linge était vraiment super. Il était doux, il tombait bien, il était frais, parce que c'était l'été, donc il était frais, par exemple. Là, on commence à trouver le bout de la pelote de laine, et on va pouvoir commencer à la tirer. Et c'est seulement là où on va pouvoir commencer à rentrer sur les aspects un peu plus scientifiques, parce que voilà, moi, je suis un scientifique à la base, de pourquoi, finalement, un linge de lit, bah, ça peut améliorer le sommeil. Mais je ne suis pas le psychanalyste du sommeil. Ça dépend. Moi, c'était quelque chose parce que j'avais tenu un magasin sur le sommeil à Paris pendant quelques semaines. Et de fait, les gens venaient voir. Donc, il y avait tout un produit. Je ne suis pas sûr que je vendais des draps. Sans doute une erreur à l'époque. Mais assez rapidement, les gens se confiaient sur leurs difficultés de sommeil. Parce que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes, évidemment, mais aussi parce qu'avec notre société, hein, c'est un peu l'angle qu'on choisit dans ce podcast et avec les sleep activistes, les activistes du sommeil. Notre société est parfois assez dure pour le sommeil, qu'il s'agisse des écrans, qu'il s'agisse du travail de nuit, qu'il s'agisse des bruits, des infrastructures routières, etc. J'avais remarqué ça vraiment, que cette question du sommeil venait... On se confie assez facilement et que derrière, comme tu dis, une certaine forme de légèreté, finalement, ce sujet-là, à des degrés divers, et pas toujours d'ailleurs au même moment dans sa vie, cette question du mauvais sommeil et des difficultés de sommeil venait. Et quand on prenait comme ça un angle, alors toi c'est les draps, moi ça peut être aussi les matelas, ça peut être l'hygiène de vie, etc. Hop, on tire quelque chose de très intéressant et sur la vie de la personne et sur ce que, ce que dit la société sur le sommeil. D'ailleurs, si je peux me rebondir... En amont du lancement de Zebram, j'ai mené une étude de marché. Je suis allé à la rencontre d'un certain nombre de personnes pour leur poser des questions plutôt intimes, finalement, hein, sur leurs habitudes. Et c'est vrai qu'on tu parlais d'habitude de sommeil. Et quelque chose d'assez bête m'a sauté aux yeux, c'est le nombre de fois qu'on lave son linge de lit par mois. Pour moi, voilà, c'est tombé un peu sous le sens, c'était toutes les semaines, les deux semaines, sinon, voilà, on a été un petit peu feignant. Et non, certaines personnes ne se posent pas la question, en fait, et lavent le linge lorsqu'il est sale à l'œil. Et donc, bon, voilà, je pense que là, tous nos éditeurs peuvent se dire, bon, c'est peut-être un peu exagéré là. Mais ce n'était pas du tout une part insignifiante de mon sondage. Hein. Je ne dirais pas que c'est significatif, hein, mais on était de l'ordre peut-être de 10-15% de personnes qui lavent leur linge lorsqu'il est vraiment sale à la vue. Oui, ça montre aussi la grande diversité qu'on a tous vis-à-vis du sommeil. Il y a la question du linge, mais je pensais aussi aux positions avec lesquelles les gens dorment. C'est aussi très varié, chacun un peu sa façon de faire. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on entreprend dans le sommeil? Qu'est-ce qui est le plus enthousiasmant? Est-ce qu'il y a des choses particulières, des difficultés, ou au contraire des façons plus simples, des choses qui se font naturellement? Je ne sais pas, convaincre un banquier, convaincre... Alors, je pense que la chose la plus difficile, c'est comme tu l'évoquais, c'est un sujet très personnel et finalement très individuel. C'est difficile de trouver un élément qui va plaire à un maximum de personnes. Donc voilà, on n'a qu'à juste faire la réflexion sur l'oreiller. Voilà, certaines l'aiment plutôt mou, d'autres légers, d'autres lourds, d'autres durs, d'autres sans, d'autres les édredons. Enfin voilà, on peut faire toute une liste à la Prévert. Et donc, si vous êtes une entreprise du sommeil et que vous devez créer un oreiller, ça va être compliqué de trouver un produit qui va satisfaire tout le monde. Donc, il y a déjà, je pense, cette première difficulté de réussir à passer à l'échelle, en fait. Hein. En réalité, c'est ça, hein. C'est d'un sujet très personnel, réussir à passer à l'échelle en termes de produits. Ensuite, d'un point de vue de réussir à convaincre un financier, un investisseur ou un écosystème autour de l'innovation, c'est un petit peu plus facile parce que le sommeil, on peut le rattacher à des notions scientifiques et à des valeurs mesurées et à montrer, par exemple, tu l'as montré, il me semble que voilà, le sommeil s'érode, que ça a un impact sur la vie personnelle, que ça a un impact sur le PIB. Alors, il y a des études qui montrent très clairement ce lien-là. Et donc, lorsque vous allez voir un banquier, que vous lui sortez vraiment des grands chiffres sur le sommeil, ses yeux, on voit des dollars, vous savez, comme dans les cartoons, qui tendent parce qu'il se dit, Picsou. bah voilà, en fait, tout le monde dort. Donc finalement, c'est un marché qui est gigantesque. Mais voilà, on essaye d'éviter de lui dire directement que effectivement le marché est immense, mais en réalité, c'est une somme d'individualité. Et donc passer à l'échelle, c'est compliqué, comme je le disais précédemment. Tout à fait. D'ailleurs, quand on voit le sommeil dans la presse, ça fait partie des marronniers. Il y a le pouvoir des francs-maçons, le palmarès des hôpitaux, le mal de dos et comment mieux dormir. Donc c'est un sujet qui est à la fois effectivement universel parce que bah, on a tous besoin de dormir, dans le même temps qui est problématique ou du moins beaucoup de gens rencontrent des difficultés. C'est un sujet universel mais qui demande un traitement un peu singulier, c'est-à-dire que les gens essayent, à chaque fois la presse essaye de trouver des angles un petit peu nouveaux, de parler d'un sujet qui finalement n'a pas tant changé que ça ces dernières années. Même si il y a tous les produits de la sleep tech, hein, comme on dit, alors sleep, Sleep, hein, sommeil en anglais, désolé pour l'anglicisme, où il y a un peu de tout. Et ce que je trouve intéressant dans ton produit, c'est que finalement, bah, c'est revisiter un produit très ancien, parce que du linge, on en a toujours eu. Et là, tu repenses quelque chose qui a toujours un peu existé. Est-ce que tu t'es penché un peu sur l'histoire de ce produit? Oui, bien sûr, je me suis plongé dans l'histoire de ce produit, mais pour rebondir sur ce que tu évoquais, la sleep tech, alors moi j'ai bien investigué ce champ et je ne voulais justement pas tomber dedans entre guillemets et aller vers un produit un petit peu, pourrait paraître un peu gadget et être un petit peu en opposition avec le moment du sommeil qui doit être un moment voilà, le plus simple possible et bien sûr déconnecté. Et des idées avec des applications, des dispositifs médicaux, des capteurs, j'en avais plein, mais je trouvais ça un petit peu antinomique et contradictoire. Et effectivement, en listant, en fait, j'ai fait une liste hein, toute simple hein, des produits que l'on avait au contact de notre peau ou dans notre environnement proche lorsqu'on dormait. Bah, je me suis rendu compte que les matelas, il y avait plein d'innovations qui existaient, les matelas électriques, les à mémoire de forme. Qui sont livrables plus facilement. Hein, tu étais à Paris, il me semble. Donc voilà, il y avait cette mode du matelas roulé qui arrivait à façon sushi. Oui, c'est ça, ouais. Des bed in box, ça s'appelait à l'époque. Enfin, ça s'appelle toujours comme ça, d'ailleurs. Voilà. Et voilà, le linge de lit, il m'a vraiment sauté aux yeux lorsque j'ai fait un petit peu son historique. La dernière innovation, c'est l'élastique autour du drap housse. Qui permet de mieux le fixer, mais je pense que ça a 40 ou 50 ans cette innovation, et depuis il n'y en a eu aucune. Et donc, moi qui suis ingénieur de formation, voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la multitude d'autres fonctionnalités qu'on pouvait apporter. Et alors, c'est un produit qui existe depuis le Moyen-Âge environ, depuis le moment où on a réussi à construire une couche, donc un matelas, voilà, une couche qui soit à peu près standardisée. Et qu'on a voulu protéger avec un tissu. Initialement, c'était du tissu en lin, hein, parce que voilà, on cultivait le lin un peu partout et c'était facile de le transformer en tissu. Et au fur et à mesure, c'est devenu un produit de plus en plus sophistiqué, un petit peu comme les vêtements finalement. Et c'était plutôt les femmes qui apportaient en dot du linge de maison, qui comprend le linge de lit. Et donc, c'était effectivement un produit qui était plutôt luxueux. Surtout lorsqu'ensuite il a été fait à partir de coton qu'on devait importer parce qu'on n'a plus de culture de coton par chez nous. Et ce produit a commencé à être un petit peu dévalorisé, je dirais à partir de la fin du 19e siècle, finalement au début de l'industrialisation, vraiment où l'industrie du textile a commencé à être florissante. Et donc on pouvait avoir des produits de moins en moins chers. Donc, et standardisé. Voilà, il y avait sur cette notion de standardisation. Et ensuite, il est vraiment, je pense, tombé en désuétude avec l'arrivée des produits issus de la pétrochimie, et donc du linge de lit avec du tissu synthétique. Et donc là, les produits ont vraiment été, en termes de prix, ont été cassés. Et on a été plutôt cherché, enfin, tout là, le consommateur a plutôt été chercher bah, des produits abordables, pas chers, avant d'aller regarder la qualité. Et donc, c'est une histoire qui est vraiment très intéressante. J'invite les auditeurs vraiment à se documenter un soir où ils ont le temps plutôt que de bincher sur YouTube ou autre. Et c'est vraiment très intéressant de suivre cette histoire. Et donc, ce qui est aussi enthousiasmant, c'est de se dire que bah, je vais participer à ma petite échelle à cette histoire, et peut-être que dans 50 ans, 100 ans, on se dira, il y a eu un renouveau de l'intérêt du linge de lit par quelques marques. Hein. Je prétends pas avoir l'alpha et l'oméga, mais quelques marques, voilà, qui ont commencé à s'y intéresser. Alors aujourd'hui, où en est Zebram? Où en est le projet? Tu le portes, entrepreneur, tu es à la fois le CEO, le directeur financier, enfin on sait bien comment commencent les projets entrepreneuriaux. Tu en es où là, à peu près? Donc là, il y a eu environ une année de R&D pour bah, imaginer la façon dont on intègre le charbon actif et la façon dont on produit, notamment localement, c'est ce que tu mentionnais, donc avec des fournisseurs vosgiens et même du bassin nancéen. Donc depuis le printemps, c'est commercialisé. Et la difficulté que je rencontre, enfin que rencontrent toutes les marques qui commercialisent en B2C, donc directement auprès d'un consommateur, c'est asseoir une image de marque. Donc parce que je crée donc cette marque, hein, Zebram, il y a l'entreprise Zebram Développement qui imagine les innovations, puis ensuite il y a la marque qui derrière laquelle il y a les produits. Et donc bah là je me retrouve un petit dans la jungle hein, que j'avais peut-être un peu sous-estimé pour être totalement franc avec nos auditeurs, la jungle des produits, des innovations, des marques. Et donc, en fait, il suffit effectivement de slider sur les réseaux sociaux pour voir toutes les publicités, toutes les nouveautés qu'on peut acheter finalement. Et en plus, avec l'arrivée maintenant des fournisseurs voilà, chinois, Temu, AliExpress, à des produits vraiment pas chers. Et donc, réussir à se démarquer. Malgré voilà un véritable intérêt, hein, moi l'étude de marché a montré qu'il y avait un véritable intérêt pour le produit, mais réussir à se démarquer en termes de marque, c'est l'étape que je considère la plus complexe de ce projet et donc pour laquelle je m'investis pleinement. Voilà, là, depuis quelques mois, c'est vraiment mon sujet principal. D'ailleurs, je me suis entouré d'une société, d'une boîte de conseil, chose que j'imaginais pas forcément au début de mon projet, je m'étais dit oui, j'y arriverai tout seul. Ouais. Alors, tu parlais de jungle. Pourquoi Zebram? Pourquoi le nom de Zebram? Je crois qu'il y a une histoire derrière. Petite histoire. Oui, alors Zebram, ça vient encore une fois de mon passage dans le milieu forestier. Et le sujet qui revient tout le temps en forêt, c'est le réchauffement climatique. Et pour blaguer, on disait bientôt on va retrouver des zèbres en forêt. Donc ça, c'était un peu pour la blague. Et puis que lorsqu'il a fallu que je trouve un nom de marque, j'ai repensé à ce zèbre. Et puis je me suis dit, ben, c'est peut-être pas une si mauvaise idée pour se démarquer de la concurrence qui est très dans des noms, dans du classicisme. Hein, voilà, le linge de lit, c'est censé être un produit tradit, un petit peu haut de gamme. Donc c'est voilà, c'est des noms composés, par exemple, ce genre de choses. Donc je voulais me démarquer. Et donc le zèbre m'est revenu. Je me suis dit que c'était assez pertinent parce que un zèbre en psychologie, c'est une personne qui est différente. Donc je me suis dit, bah tiens, je fais du linge de lit différent. Donc voilà, c'est déjà un premier intérêt. Le zèbre, bah, il est innovant à sa manière dans la savane. Hein, voilà, il est rayé. Hein, c'est le seul qui est blanc et noir. Et donc il prend soin de sa peau au travers de sa zébrure. Et il est blanc et noir, le jour et la nuit. Et voilà, en rajoutant le âme, ça faisait un peu plus. Voilà, un peu différent, un peu punchy. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? Sachant que beaucoup m'ont évoqué le fait qu'ils ne voyaient pas le rapport. Et plus on m'opposait cela, et plus je me confortais, c'est mon côté un peu têtu, dans ce choix. Des projets bientôt? Tu veux développer, je suppose, l'entreprise, tu te fixes un objectif, tu veux peut-être des collaborations Alors, je découvre également, au travers de l'agence de communication, l'univers des influenceurs. Donc voilà, beaucoup de projets autour de la communication, de la façon de faire connaître cette marque. Et peut-être on va faire découvrir aussi à nos auditeurs cette notion d'ASMR. Je ne sais pas si Alors tu vas-y. connaissais. Oui, moi je connais, mais vas-y, Je développe. vais te parler comme ça. Et voilà, d'évoquer différents sujets. Et donc voilà, j'ai des collaborations avec un influenceur qui est dans ce milieu-là, mais d'autres en cours. Et puis, j'aimerais me rapprocher des hébergements insolites. Non pas pour commercialiser mes produits auprès de ces hébergements, parce que l'hébergement professionnel, c'est un marché vraiment différent, avec des processus pour laver les produits qui sont assez... c'est des process industriels que je ne peux pas faire avec mes produits, mais plutôt pour les promouvoir, les faire tester à leurs clients, en faisant l'hypothèse que les personnes qui vont dans des logements insolites cherchent peut-être aussi du linge un petit peu différent. Donc voilà, le fait de l'essayer une première fois dans un hébergement, peut permettre de passer à l'achat derrière. Oui, tout à fait. Ça me fait penser. Tu parlais des bed in box, les matelas. Il y a certains hôtels qui ont voulu singulariser avec justement ces matelas un peu particuliers. Donc, il y a peut-être aussi une occasion de faire quelque chose. Dernière question. Est-ce que tu rêves de Zebram la nuit? J'en rêve moins, mais oui, au début j'en rêvais énormément. Et d'ailleurs, ça me faisait passer des mauvaises nuits, alors je me disais, c'est quand même un comble. Et je rêvais souvent, pour l'anecdote, des motifs, parce que donc c'est un critère de choix de linge de lit qui est assez important, c'est l'esthétique, hein, c'est donc les motifs qu'on va retrouver sur linge de lit. Et pour moi, c'était un véritable casse-tête de quel motif, est-ce que c'est des grosses fleurs, est-ce que c'est du minimaliste, est-ce que c'est que de l'uni, que du blanc et du gris, parce que mon tissu, il est gris chiné. Et donc, je rêvais de motifs. Alors Zebram, c'est aussi né d'un périple en vélo. Effectivement, cette idée qui serait à la croisée du monde forestier et du sommeil m'est venue sur mon vélo. Donc, c'est un périple que j'ai organisé pour montrer l'impact du changement climatique sur les forêts. Et j'allais à la rencontre de forestiers dans différentes forêts françaises. Et donc j'ai fait un périple de Nancy à Montauban. Donc c'était des grosses étapes fatigantes. Et le soir, je dormais très très bien. Et j'étais content. Je me faisais souvent la réflexion. J'ai bien dormi. Je vais pouvoir faire une belle interview du forestier. Je vais être concentré. Et donc tous les soirs, je croisais les doigts pour que le gîte que j'avais réservé, parce que j'étais en gîte, j'avais eu cette fainéantise de ne pas prendre ma tente et mon sac de couchage, je croisais les doigts pour que ce soit dans un environnement propice pour bien dormir. Et donc cette idée, bah, elle m'est également venue lors de ce périple à vélo en voyant clairement le lien entre mon quotidien, donc ces champs d'arbres, la forêt, et puis le soir. La bonne nuit que je devais passer pour affronter ma journée du lendemain. Merci, merci Alexis pour cette exploration sensible et concrète de ce qui compose nos nuits. Merci pour aussi la présentation d'un projet entrepreneurial. Il y a plein de raisons d'être enthousiaste pour Zebram. Ton travail rappelle que le sommeil, ce n'est pas seulement un état, c'est aussi un écosystème et on y insiste assez souvent sur ce podcast. Le sommeil, ce n'est pas simplement un moment biologique, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est un moment politique, c'est un moment sociologique, c'est un moment d'histoire, mais c'est aussi un objet économique. Merci aux auditeurs qui écoutent Sleep Activist, le podcast La Sieste dédié au sommeil. Prenez soin de vous, prenez soin de votre sommeil et à très bientôt pour un nouvel épisode.